Ces sages-femmes dans le travail appellent à la collaboration avec les agents de santé communautaire. En selon l'Office onusien en charge de la reproduction, le rôle primordial pour couper court à l'accouchement à domicile en cette période cruciale du coronavirus qui expose beaucoup les femmes enceintes et les nouveau-nés en cas d'une quelconque mégarde des prestataires de soins. Au Burundi, le ministère en charge de la santé publique regrette pourtant que les sages-femmes restent confrontées à des défis alors que la pandémie continue sa propagation vers d'autres provinces que la municipalité de Bujumbura, explique Dr Chloé Ndaikunda, directrice des services de santé et de lutte contre le sida. Les formations sanitaires manquent souvent de médicaments essentiels et d'équipements médicaux et de personnel médical souvent formé. Suivant les recommandations du ministère de la Santé pour lutter contre la COVID-19. Et je ne pourrais pas non pas vous signaler que pour le moment, il y a progression de la COVID-19. Avant, c'était dans la capitale de Bujumbura. Et maintenant, elle vient d'aller dans presque tout le... Des séances de formation à l'endroit des sages-femmes au Burundi avaient déjà été organisées, bien qu'ils ne sont plus tous opérationnels. Ce qui est justifié par l'expansion des structures de soins et des prestataires de santé dans les communes et provinces, selon les propos du responsable du programme national de la reproduction, Dr Anani Ndacha Isaba. Les sages-femmes qui doivent rester aux côtés des femmes enceintes, tout comme d'autres prestataires de santé dans les maternités, sont les plus exposées au risque de contamination de la pandémie, explique Richmond Tiemoko, représentant pays du UNFPA au Burundi, qui parle de précautions rigoureuses pour leur protection. Nous savons que la sage-femme ne peut pas faire une distanciation sociale avec une femme qui accouche. Nous savons aussi qu'on ne peut pas confiner une femme qui est en travail. Donc il faut prendre tout cela en compte et donner le matériel, les services de protection, les équipements de protection, mais aussi les informations sur comment se... Et cela, nous le faisons avec le ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida. Et nous en appelons aux partenaires, tous les acteurs pour venir nous appuyer, pour qu'on puisse vraiment appuyer les sages-femmes, les personnels médicaux qui sont en ligne de front. Le taux de morbidité infantile et maternelle au Burundi aurait connu une diminution depuis l'accélération de formation des sages-femmes vers 2010. Le Fonds des Nations Unies pour la reproduction parle aujourd'hui de 334 décès pour 100 000 naissances vivantes, alors qu'il était à 500 pour 100 000 naissances vivantes en 2010. D'où les défis relatifs doivent être relevés pour que le Burundi atteigne les objectifs du développement durable à l'horizon 2030.